L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Certains voudraient que le monde change et devienne plus vertueux. Ils militent en ce sens. D'autres changent au niveau individuel en changeant leurs habitudes de consommation en particulier. Entre les deux, il y a ceux qui essaient de changer le territoire qui les entoure. Et c'est cette dernière catégorie que nous vous proposons de découvrir cette semaine avec le projet Terra, T-E-R-A. Il s'agit d'un projet d'éco-village, et pas simplement un hameau de maisons éco-construites, mais un projet qui se veut interactif avec son territoire pour le rendre globalement plus autonome et plus vertueux. En nourriture en premier lieu, en artisanat, en énergie à terme, mais aussi par la création d'une monnaie locale et avec l'objectif ambitieux d'offrir un revenu universel d'autonomie à ses contributeurs. Le projet se veut aussi formateur, dans le partage de connaissances et de savoir-faire surtout. Une Arcadie pas encore achevée, mais en construction perpétuelle, ce qui est aussi intéressant pour celles et ceux qui voudraient leur emboîter le pas ou les rejoindre pour dynamiser les campagnes. Alors, bonne écoute à tous. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Nicolas. Alors ici, on est où ? Alors on est à Masquières, qui est un petit village du Lot-et-Garonne. On est au domaine du Tilleul, qui est un terrain de 12 hectares, sur lequel le projet Terra est en train de se développer. Ce projet Terra, il est assez important parce que je croyais arriver moi ici dans un éco-village, et en fait c'est pas qu'un éco-village, c'est un éco-village, mais pas au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire une assemblée de maisons éco-construites. C'est au-delà, c'est un projet de village avec une vie à l'intérieur et une vie économique. Mmh. Alors c'est quoi votre idée de départ? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce projet? Alors au départ, je pense que c'est un constat qu'on était pas mal à partager, on avait l'impression qu'on pouvait plus continuer comme avant, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, social. Enfin, l'idée c'est pas de faire la liste, sinon ça va nous déprimer. Et du coup, on était plutôt dans une logique de qu'est-ce qu'on peut créer en fait dans ce monde-là. Et un des grands postulats, c'est aussi que le levier économique est quelque chose qui est vachement important. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de lieux qui existent en fait. On a fait aussi un tour de lieux qui existaient. On a constaté qu'il y avait plein de super idées, en fait, d'un point de vue agriculture, d'un point de vue énergie, même d'un point de vue organisation, gouvernance. Il y a plein de choses. Par contre, souvent, l'économique, le financier, c'est un grand problème. Voir un sujet tabou. C'est-à-dire, il y a plein d'éco-hameaux où il faut payer déjà cher pour avoir la première maison. Pas mal de personnes souhaitent s'installer, sortir de la ville, créer autre chose, mais ont quand même besoin d'avoir un boulot pour gagner de l'argent. Donc nous, on voulait aussi créer un modèle économique qui permette à chacun, finalement, à la fois de produire, c'est-à-dire collectivement, on pourrait produire un minimum de richesse qui permette à chacun de vivre sans avoir besoin d'aller travailler à l'extérieur, et puis qu'il le fasse dans le respect de l'environnement, dans le respect de chacun, enfin en tout cas des intentions de chacun, dans le respect du territoire. Donc il y avait vraiment cette idée de, pas seulement de dire on va faire le meilleur d'un point de vue écologique, ça va être super d'un point de vue humain, mais aussi de pouvoir créer quelque chose qui soit durable sur le plan économique et où les gens puissent venir et avoir un revenu de base qui leur soit garanti. Et du coup, c'est là qu'on arrive sur l'histoire de revenu de base. En fait, Terra, ça veut dire tous ensemble pour un revenu d'autonomie. D'accord. Un revenu d'autonomie, c'est un revenu de base inconditionnel, mais versé en monnaie citoyenne locale. D'accord. Donc l'idée du revenu de base, donc ça on en a pas mal parlé dans l'actualité, je pense il y a un an, c'est que chacun des habitants, soit d'un pays, soit en tout cas d'un groupe de personnes, bénéficie de par son existence d'un revenu inconditionnel qui lui est versé de la naissance à la mort, et qui dans notre cas, on envisage qu'il soit égal au seuil de pauvreté. Donc c'est ça qu'on appelle un revenu d'autonomie. Alors revenu d'autonomie, c'est parce qu'on veut qu'il soit versé en monnaie citoyenne locale. Donc encore un nouveau concept intéressant. Les monnaies citoyennes locales, c'est des monnaies qui sont actuellement reconnues par la loi, qui se développent dans pas mal de villes. Et l'idée, c'est que c'est quelque chose qui va servir d'outil d'échange et de valorisation, mais dans un réseau qui est respectueux des humains et de la nature. C'est-à-dire souvent des personnes. Et puis un développement local. Voilà. Avec l'idée qu'en fait, la monnaie classique, l'euro, en fait... Il faut savoir qu'il y a sur 100% des échanges qui se font en monnaie, il y en a 98% qui se font dans les marchés financiers, financiers, et seulement 2% dans l'économie réelle. Et donc l'idée d'utiliser une monnaie citoyenne locale, c'est de dire on va produire de la richesse, mais on veut que cette richesse, elle reste sur le territoire, que ce soit notre territoire géographique, c'est-à-dire les producteurs, toutes les entreprises, les associations, les citoyens, ou bien même sur un territoire de valeur, parce qu'on voudrait pouvoir aussi l'échanger avec d'autres monnaies locales qui existeraient ailleurs en France. Okay. Donc c'est l'idée qu'on veut produire de la richesse, on veut maintenir cette richesse sur le territoire, et on veut, à partir de la richesse produite, garantir à chacun des membres de notre écosystème, finalement c'est un écosystème, au moins l'équivalent d'un seuil de pauvreté. D'accord. Alors qui est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Vous êtes combien? Alors au départ, donc l'écosystème, on a démarré en 2014, au départ on était un peu en mode itinérant, donc on a visité pas mal de lieux, et à partir d'octobre 2015, on a eu cette opportunité d'avoir ce terrain, parce qu'un contributeur nous l'a mis à disposition. Et là, on a pu commencer à rentrer dans le concret. Et là, des personnes ont commencé à rejoindre le projet de façon durable. Donc, à l'heure actuelle, donc depuis 2015, on est un peu plus d'une vingtaine à s'être installés dans le coin, c'est-à-dire aux environs de Masquières. La plupart des gens prennent des appartements ou des colocations et contribuent en fait au développement du projet. Mais tout le monde développe ses activités sur le site de Masquières, pas chez lui? Non, enfin oui, la plupart sont sur le site de Masquières, mais pas seulement. C'est pour ça. Au départ, tu disais que tu pensais trouver un éco-hameau. En fait, c'est comme ça qu'on présentait le projet au départ. On veut construire un éco-hameau, on va relocaliser la production de façon écologique, enfin bref, utiliser une monnaie locale, avoir une gouvernance respectueuse de chacun et tout ça. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à force de se connecter au territoire, ce qui est quelque chose de vachement important pour nous, de vraiment créer des échanges, créer des coopérations, on est vraiment en train de créer des activités qui dépassent le domaine dans lequel on est. Le but n'est pas de créer un ghetto vertueux? Absolument pas, non. Le but, c'est vraiment, on se considère maintenant plus comme un projet de développement local comme un projet d'éco-hameau. Et donc, il y a des activités qui, du coup, commencent à se développer sur place. Donc, il y a actuellement 3 porteurs de projets qui développent un projet de maraîchage, depuis la production de plants à donc la production maraîchère, et puis après, ça devrait aboutir à la vente de paniers. Il y a une activité de boulange. Et là aussi, ça va être ouvert forcément aux populations, même celles qui ne sont pas dans l'écosystème. Tout à fait. Alors après, ça dépend comment on définit l'écosystème. C'est-à-dire que le fait d'utiliser une monnaie citoyenne locale, ça élargit en fait le champ en fait des personnes intéressées. Et donc, on pourra vendre, on va déjà, si je prends juste l'exemple de la production maraîchère, on travaille déjà avec une douzaine de producteurs sur place, à qui on achète les produits, et avec qui on organise déjà des marchés tous les 3 mois. Okay. Donc en fait, cette douzaine de producteurs, on va s'associer avec eux pour faire un réseau de distribution en circuit court. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une plateforme de commande par Internet, les personnes pourront commander, et après il y aura, donc ça reste encore à développer, est-ce que ça sera une distribution sur place, est-ce qu'il y aura une épicerie ambulante, la forme devrait être adaptée au territoire dans lequel on est. Mais en tout cas, on veut vraiment que ça ne nous concerne pas nous, mais qu'on s'associe non seulement aux producteurs, et puis à tout un tas de personnes qui sont intéressées d'avoir des légumes locaux, bio, sains, délicieux et tout ça. Ok. Alors, les maraîchers, ensuite? Ensuite, donc, il y a la boulange. Donc là où on fait l'interview, là, on est dans une grangette qu'on a commencé à rénover au printemps dernier. Et cette grangette est destinée à se transformer en fournil. Donc il y a quelqu'un là, qui s'appelle Lisa, qui est en train de se former à la boulange. Elle va passer son CAP de boulanger. Et l'idée, c'est à terme, elle avec d'autres, de produire 90 kilos de pain par semaine. D'accord. Et avec quelles céréales? Alors justement, on travaille, il y a pas mal de producteurs du coin qui produisent des variétés anciennes de blé tendre. Donc il y en a déjà un avec qui on travaille régulièrement. Mais là, elle a vraiment envie de combiner différentes farines. D'accord. Et après, pour la vente, ça sera soit par le réseau de distribution, soit avec la boulangerie de Tournon d'Agenais, avec laquelle finalement on s'entend bien, même s'ils font pas de pain bio, mais ils seraient intéressés d'avoir un dépôt de pain bio aussi dans leur boulangerie. Donc au départ, ils s'inquiétaient de voir qu'on voulait faire de la boulange, et en fait finalement, on se rend compte qu'on a un truc à faire ensemble. Donc ça, c'est assez chouette. Donc l'autre activité, c'est le réseau de distribution, les marchés. Donc ça, c'est presque les 3 là, les plus qui sont en voie de constitution. Se nourrir, c'est essentiel. Voilà. Parce que vous tournez autour des besoins essentiels. Exactement. De chacun. Déjà, il y a se nourrir ensuite. Il y a se nourrir. Après, il y a une autre activité qui a été lancée, même si elle n'est pas à usage commercial, mais plutôt pour de l'autoconsommation. C'est une forêt-jardin. Donc qui consiste en l'association d'une strate herbacée, d'arbustes et d'arbres. Les arbres fruitiers. Et donc, l'idée, c'est de reconstituer une forme d'écosystème forestier, mais qui soit comestible. C'est-à-dire, il y a des herbes aromatiques, des fruits, des oignons, des bulbes, tout ça. Un petit jardin d'Éden, quoi. Dans le rêve, oui, tu te mets sous l'arbre et t'as la pomme qui tombe. Après, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même énormément de travail et de conception derrière tout ça. Mais l'idée, à terme, c'est vraiment à la fois d'enrichir la biodiversité, d'avoir un écosystème productif et quelque chose de beau aussi. Il y a une notion de beauté qui est assez importante dans cette histoire. Donc ça, c'est aussi pour améliorer l'autonomie, en tout cas sur place. Après, donc il y a d'autres projets qui sont en cours de développement, là, qui viennent juste d'être lancés, dont un projet d'artisanat bois. D'accord. Donc c'est quel genre d'artisanat ? Alors ça serait plus faire des outils du quotidien, et peut-être aussi des beaux outils. Il y en a un d'entre nous qui est en train de se former pour faire de la bière. D'accord. Donc la bière artisanale. Ça, c'est important donc, de là, faire la fête aussi. Exactement. C'est un besoin essentiel. Donc là, il y a la première cuvée qui est en train de maturer là, dans la cave de la maison. D'accord. Donc ça, c'est pour les activités vraiment sur place. Mm-hmm. Après, il y a des activités qui sont en train de se développer potentiellement. Donc c'est en construction avec une autre commune qui a une vingtaine de kilomètres d'ici. Et là, qui vont être plus axées sur l'éco-construction. Donc notamment, cette commune, donc on a besoin vraiment de finaliser le partenariat, mais en tout cas l'idée c'est déjà de commencer par faire une maison, ce qu'on appelle une maison de la transition, qui est une maison qui montrerait en fait tout ce qu'il y a de mieux actuellement en termes d'éco-construction, différentes techniques, et aussi en termes de production d'énergie. Et vente de matériaux, ce genre de choses ? Alors pas forcément, pour l'instant ça serait plutôt un espace de démonstration, qui serait accolé à une maison des loisirs en fait de cette commune-là. Comme un éco-centre, hein, ça existe un peu partout en France. Voilà, on peut appeler ça une forme d'éco-centre. Et donc ça permettrait, d'une part, il serait construit par un chantier formation, donc ça permettrait aussi de faire de la formation en même temps. Et puis il accueillerait du public. Et on voudrait organiser autour de ce lieu, tous les mois à peu près, des animations pour les habitants autour de la transition énergétique. Et à côté de ça, donc c'est un projet qui inclurait aussi la construction d'un centre de formation à l'éco-construction, pour les artisans et par les particuliers. En fait, pour toute personne qui voudrait un petit peu aussi, comme nous, créer un éco-hameau ou un quartier rural. On est dans l'idée d'habitat qui soit peu coûteux, qui soit facile à autoconstruire aussi, de façon à ce que ça soit plus accessible à des publics qui n'ont pas forcément une mise énorme à faire. Donc ça fait partie du modèle économique global, en fait. C'est l'idée que ça soit accessible et qu'il y ait un plan de financement qui le rende accessible. Et à terme, en fait, ce projet-là doit aboutir dans cette commune à la construction d'un quartier rural dans la commune. D'accord. Et c'est là qu'on retrouve l'idée de l'éco-hameau, c'est-à-dire qu'on l'a pas perdu en route. Hein. On a construit plein de choses en cours de route, mais à terme, on a aussi, pour nous, l'habitat est une source de revenus, entre guillemets, dans la mesure où il assure le logement, l'énergie, la production d'eau, l'assainissement. Et donc, c'est une part, en fait, de notre autonomie. Alors, tu parles d'énergie. Ouais. Il y a aussi quelque chose sur ce volet-là ? À l'heure actuelle, juste précisément maintenant, non. Mais en fait, en 2016, quand on est arrivé, une des premières choses qu'on a fait, c'est un chantier formation à l'éco-construction, à l'autonomie énergétique. Donc on s'était formé. Donc il y a eu 6 semaines sur l'autonomie énergétique. Donc il y avait 12 personnes autour de l'autoconstruction de panneaux solaires thermiques, d'éoliennes, de poêles bouilleurs, installations, enfin tout ça. Et 6 semaines autour de l'éco-construction. Et en fait, il y en a qui ont commencé à se former pour être formateurs à leur tour. D'accord. L'idée, c'est aussi un grand volet du projet. C'est pas seulement le faire pour nous, mais aussi pouvoir se mettre dans une position de transmettre à d'autres qui voudront faire pareil. De rayonnement. Ouais, d'inspiration et de rayonnement, en fait. Ouais, c'est vraiment l'anti-ghetto, je disais tout à l'heure. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose qui est une pépinière d'initiative et d'essaimage. Ouais, tout à fait, ouais. Et alors, pour l'instant, vous avez un revenu de base ou vivez, ah non, pour l'instant, on n'a pas de revenu de base. C'est pour ça, c'est l'étape suivante de cette année. Du coup, pour arriver jusque-là, on a bénéficié pas mal de soutien, soit de contributeurs qui nous ont fait des dons, soit de subventions de la région, du département ou de l'Europe. Par contre, cette année, on est en train de passer dans une phase, comment dire... Commerciale. Pas commerciale, je vais dire de consolidation. En fait, l'idée, c'est que le bénévolat, ça va pas, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille gratuitement et à un moment, on a besoin à la fois pour vivre et à la fois en termes de reconnaissance par rapport... au monde global, de montrer que ce qu'on produit, ça a de la valeur. Donc si on était payé, il aurait fallu nous payer assez cher pour faire tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Et l'idée, c'est de pouvoir commencer à nous payer. Donc à partir du printemps, on va lancer en fait une campagne de financement pour commencer à financer le développement des premières activités économiques et garantir un revenu d'autonomie à chacun des porteurs de ces premières activités. Donc l'idée, c'est d'aller faire un appel soit aux particuliers pour faire des dons, soit aux gens qui ont un peu plus d'argent, qui prendront des parts des structures juridiques. D'accord. Donc on va créer une structure coopérative d'intérêt collectif. Donc les personnes qui voudront soutenir le projet, aider au développement d'un projet de développement local, pourront prendre des parts. C'est des parts rémunérées à 2%, en fait. Donc c'est vraiment plus quelque chose que tu mets dans la durée et que tu ne peux pas reprendre. Les gens trouveront ça sur votre site internet. www.terra.coop. Alors on va faire, avant d'aller dans le jardin, on va faire une petite pause musicale. Ouais. Est-ce qu'il y a une chanson que tu as envie d'écouter ? Mon Dieu. Il y a un truc que j'ai envie de mettre, c'est le premier souvenir. En fait, dans un des premiers tours de France qu'a fait Frédéric Bosquet, là, le gars qui a lancé le projet, il a fait un tour de France pour la promotion du revenu de base et il faisait des émissions de radio dans chaque ville avec des collectifs. Et la chanson qu'il mettait en ouverture, c'était Jean-Louis Aubert, « Il est temps à nouveau ». c'est de se jeter à l'eau. Et du coup, ce truc-là, là, c'est le premier auquel je pense. Et je pense que ça serait sympa. Allez, il est temps d'écouter ça. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Puisque les révolutions se font maintenant à la maison et que lorsque le monde applause, ce n'est qu'une nouvelle émission. Émission. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Puisque ce n'est plus qu'un système et sa police américaine. Alors on est de retour à Terra, l'éco-village, à Masquières, dans le Lot-et-Garonne. Alors on a parlé de ce projet avec toi, Marie-Hélène, global, ce projet de lieu qui n'est pas un lieu fermé, mais un lieu qui a pour vocation autour de lui de créer une autre économie, plus localisée, proche des gens, avec un revenu pour tous. Un des piliers essentiels de votre projet, c'est le maraîchage et se nourrir, parce que se nourrir est un besoin essentiel. Et c'est vrai que c'est toujours débile d'aller acheter des choses qui ont traversé la moitié de la planète pour se nourrir. Donc on va aller voir nos amis maraîchers qui sont en pleine... évidemment, c'est le printemps, donc en plein travail. Salut Simon. Bonjour Nicolas, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Enchanté. Alors qu'est-ce que vous développez ici? Plein de choses. Bah, on fait du maraîchage, là. Ouais. Ici, on est dans une espèce de cuvette entourée de forêts. Et donc, il y a un petit vallon à peu près plat. C'est ça. Donc on a vu là les deux champs avec des févroles que vous avez broyées. Vous rajoutez, il y a des petits tas de bois ramel fragmenté que vous allez mettre sur le sol. C'est ça, on l'en met régulièrement. Donc là on l'a emmené en tas là-bas pour que ça soit pratique et que quand on en a besoin on le met. Ok. Et ici on a un tout autre. Là-bas c'est assez commun, on va dire. Il y a des lignes c'est de ça, légumes. C'est des lignes. Et ici on se retrouve dans une espèce de jardin en hémicycle. Ouais. Alors on entend une petite source un petit peu plus loin. Il y a un peu d'eau qui coule. Ouais. Donc quand même, juste pour dire les parcelles qui sont un peu ligne droite, tout ça, ouais. On s'inspire de Jean-Martin Fortier pour faire ça. Ouais. Donc, C'est un Québécois, c'est ça ? C'est un Québécois, tout à fait. Donc il a pas mal travaillé sur l'optimisation de ses cultures, de ses rotations, de ses dimensions, par rapport à l'irrigation. Voilà. L'idée, c'est d'avoir à peu près toujours le même format. Mmh. Pour pas être emmerdé à aller courir après le tuyau qui est de la bonne longueur, le filet qui est de la bonne longueur, voilà, on sait que tout est calibré, donc on gagne du temps là-dessus, mm-hmm. C'est quand même vachement confortable. Donc pour l'irrigation, pareil, on sait que si on met ça, ça va arroser toute la parcelle impeccablement. D'accord. Donc voilà, ça c'est plus pour les parties, on est en train de développer ça cette année. Mm-hmm. Donc on a agrandi le jardin qu'on avait commencé l'année dernière. Mm-hmm. Et cette partie-là sera vraiment consacrée à la production, on va dire, un peu plus intensive, tout en protégeant le sol, voilà, comme tu as vu, du broyat, du fumier. On va bientôt avoir un hache-paille aussi, manuel, dans lequel on pourra hacher justement tout un tas de matériaux végétaux et l'incorporer et le poser sur les parcelles. L'idée, c'est de plus travailler ces... on va essayer de plus travailler les parcelles. Plus retourner la terre. Voilà, on les a préparées et maintenant l'idée c'est on va essayer de plus les retourner, désherber à la binette, tranquillement. Mais après, l'idée c'est d'essayer de plus les retourner, juste amener régulièrement à manger pour les vers de terre et les bestioles, pour que justement elles fassent le travail d'aération, maintien de la structure du sol. Et voilà. L'idée c'est de dire qu'on peut produire sur une petite surface beaucoup, tout en préservant la biodiversité, le sol. Et aussi notre santé. L'idée n'est pas non plus de s'épuiser et de devenir complètement fou et en détester le maraîchage à la fin. Parce que, voilà. Donc d'où les lignes par exemple de 30 mètres. Mmh. Ça paraît anodin, mais c'est qu'en fait c'est à peu près la dimension pour qu'on avance, mais on a l'impression d'avancer. Quoi. Mmh. Parce qu'il y a des maraîchers qui bossent sur des centaines de mètres ou 200 mètres. Si tu es à la main et que tu fais quelque chose dedans, tu deviens fou parce que tu as l'impression que tu n'avances pas. Et rien que ça, ça fait déjà du bien. Ouais, et une fois que tu as fini ta ligne... Tu te dis, bah, j'ai quand même, ça va, ça fait du bien. Ok. Voilà. Bon, et alors ici... Revenons au premier jardin, voilà. Un jardin en hémicycle. Voilà. Alors ici, il y a un petit peu de tout. On voit des groseilliers, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? L'idée, une espèce de mélange de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un jardin en permaculture quand on le voit visuellement. Mmh. C'est un truc un peu... Voilà, y a des petites buttes, y a de la belle paille dans les allées, il y a des feuillages, il y a du BRF partout, il y a une petite mare, on a fait un petit bassin donc pour accueillir tous nos amis bactraciens et insectes. Et effectivement, on a des mélanges, alors des petits fruitiers. Alors là, par exemple, j'avais fait une haie de petits fruitiers, deux petites haies de fruitiers. Donc cassis et groseille. Au milieu, j'avais mis des choucals l'année dernière parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mmh. Et comme ils ont fleuri et que là, ils vont bientôt être finis, je vais les couper. Je vais laisser les racines se dégrader. Tu laisses pas monter en graines pour récupérer les graines ? Non, parce que là, en fait, les pucerons sont venus habiter dedans. D'accord. Et je pense qu'il va y avoir quasiment aucune graine parce qu'ils ont vraiment fait mal aux choux. Par contre, je suis content parce que ça a attiré tous les prédateurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on a déjà plein de guêpes parasitoïdes qui bossent comme des malades. Ouais. Si on s'approche, on les voit. Il n'y a pas encore de cirf et pas encore de coccinelle, mais les guêpes sont déjà là. Elles D'accord. sont bien là et elles font vraiment un travail incroyable. Okay. Donc l'avantage, c'est qu'au moins, pour les autres parties du jardin, ce sera protégé. Voilà, les guêpes pourront aller coloniser facilement. Il y aura déjà un bon stock de prédateurs. Okay. Donc comme ils font de l'ombre, j'ai mis des citronnelles en dessous, des verveines citronnelles là. Ça aime bien un peu le sol sableux, là, bizarrement, on est sur un sol un peu sableux, là. D'accord. C'est très bizarre, il y a des zones comme ça. Et donc, les petites citronnelles vont commencer à pousser en étant abritées des choucals, je les couperai au bout d'un moment, et l'idée, c'est qu'à terme, il va y avoir deux vignes, là, qui sont en train déjà de sortir, qui viendront, et on mettra une petite pergola pour que les citronnelles soient à la fois un peu abritées, les cassis et groseilles aiment bien aussi... Une mi-ombre. Voilà, un peu une mi-ombre, quoi. On pourrait les mettre en plein soleil et les arroser comme des malades, mais l'idée, c'est quand même d'y aller doucement. Et... Ok, en tout cas ici c'est très joli. Ouais. Et on va aller voir parce qu'il y a un autre projet ici dont Marie-Hélène nous a parlé. C'est une forêt. Forêt comestible, forêt-jardin, jardin-forêt, ça a plusieurs noms. Généralement on dit plutôt forêt comestible. Ok, on va voir ça. Alors là on arrive dans un autre endroit. Ouais. On est face à... Il y a plein de petits arbres. Ouais, donc là, ici, on est dans la forêt-jardin, donc forêt comestible aussi. Donc l'initiateur, c'est Grégor Alessian, qui a développé ce projet-là pendant qu'on était à la formation Ferme d'Avenir. Mm-hmm. Une formation... Maxime de Rostolan, très connu. Voilà, Maxime de Rostolan, qui commence à faire bien parler de lui et toute son équipe, donc qui ont organisé une formation. Mmh. Et à laquelle on a participé, qui était vraiment très intéressante. Alors cette forêt comestible, donc lui il est parti sur un concept qu'a mis en forme permaculture design. Mmh. Donc c'est des mecs qui font de la permaculture et ils avaient envie de développer quelque chose dans lequel il y aurait de l'arbre fruitier. Mais on veut accompagner le fruitier de tout un tas de compagnons. Qui vont à la fois aider le fruitier ou profiter du fruitier par l'ombre qu'il peut faire ou l'amendement qu'il va faire avec ses feuilles, enfin tout un tas de principes écologiques d'interaction. Mmh. Et donc ils ont appelé ça des guildes mmh. végétales. Mmh. Et par exemple on va avoir là la guilde du pêcher qu'on peut voir ici qui est déjà quasiment complète. Donc toutes les guildes ne sont pas encore complètes, il y en a plusieurs. Donc cette guilde du pêcher qui contient un pêcher au centre. Mmh. Et par exemple, autour de lui, donc côté nord de lui, il va y avoir des fraisiers par exemple qui vont profiter de l'ombrage et qui ne vont pas déranger le pêcher non plus parce mmh. qu'ils n'ont pas non plus des grosses racines. Et plutôt côté sud de l'arbre, tu vas avoir là de l'oignon rocambole qui lui supporte très bien le cagnard et un sol pas très... Pas travaillé du tout. Pas très profond surtout. D'accord. Parce que là, sur cette forêt comestible, on est sur vraiment une différence d'élévation mmh. entre le bas de la forêt et le haut mmh. qui fait qu'on peut avoir plusieurs guildes aussi parce que chaque guilde aussi a des besoins. C'est-à-dire... ou un sol drainant, mmh. ou un sol humifère, ou un sol plutôt caillouteux, drainant, enfin voilà. Et donc selon, par exemple là, le pêcher, typiquement, c'est celui qui est un des plus hauts, mmh. parce qu'il aime bien un sol qui reste pas trop mouillé, mmh. Il a pas besoin d'un sol non plus hyper riche en humus, et donc tous ses compagnons vont également avoir les mêmes caractéristiques, voilà. Donc il y aura accompagné aussi pour lui de légumineuses, alors là je sais plus ce que c'est les arbres, petits arbres, mmh. qu'on appelle légumineuses, donc mmh. qui peuvent fixer l'azote, et qui amèneront de l'azote du coup à cette guilde. Aux arbres. Voilà, c'est l'idée. Et il va y avoir des petits fruitiers, des plantes mellifères, des plantes médicinales, voilà, tout un tas de compagnonnage. Un écosystème. Exactement. Donc on produira moins de pêche qu'un verger classique, mm-hmm. mais on produira un peu de pêche et aussi un peu de fraises, et mm-hmm. aussi un peu d'oignons, et aussi etc., etc. Plein de petites choses. Okay. Et donc son objectif à lui n'était pas économique à la base. Il était plutôt pour la formation et pour l'autosuffisance aussi. Vivrier. Voilà, vivrier, voilà, tout à fait. Alors que mon projet était plutôt basé sur un peu économique. Parce que là, tu as une surface de combien, toi ? Là, en ce moment, on doit être sur 3000 m². D'accord. Bon, on s'était dit qu'on allait essayer d'aller jusqu'à 5000 ou 1 hectare si on voit que les forces sont suffisantes et surtout l'eau. Si l'eau est suffisante. Et là, sans serre, tu vas réussir à faire quelque chose qui est au-delà du vivrier. Non, c'est pour ça qu'on a une serre qu'on est en train d'installer. Ah, ok. Donc grâce à un programme leader. Programme européen. Programme européen, voilà. Qui finance, donc qui va financer l'irrigation et les serres. Quel objectif tu as pour faire vraiment des paniers pour combien de gens ? Alors l'idée, c'était déjà de pouvoir nourrir toute l'association et l'activité de l'association. 20 personnes, c'est quand même pas mal. C'est à peu près 20 en moyenne ouais. dans l'année, quoi. Ouais. Et l'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'à au moins, on va dire entre 30 et 50. Okay. Et vu qu'on est quand même débutant, on ne sait pas trop à quel point on va réussir, mais je pense que 30 largement. Okay. Ce sera donc du coup 20 paniers pour le fonctionnement du ouais. lieu et les permanents, tous ouais. les gens qui travaillent ici. Et une dizaine autres pour l'extérieur, okay. des événements. Écoute, merci beaucoup Simon. Bah de rien, avec bonne plaisir. Continuation. Merci à toi. Bon Marie-Hélène, merci. On a vu avec Simon les jardins, le verger, tout ça. Super. Et on va rappeler, donc pour les auditeurs qui veulent vous retrouver sur la toile, ouais. Il y a un site internet. Et oui, bien sûr. Alors c'est quoi ? C'est www.terra.coop. Deux O. Très bien. COOP. Et sur Facebook aussi ? Et sur Facebook, c'est Terra l'Éco Village, tout collé. Ok, voilà. Ça marche. Mais merci, bonne continuation avec à vous. Avec plaisir. Hein, et merci. Puis que les auditeurs se tiennent bien au courant parce qu'il va y avoir des financements participatifs. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.